L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, lu par Sylvie pour audiocité.net. Deuxième partie, chapitre 1. Quand il fut à sa place dans le coupé, au fond, et que la diligence s'ébranla, emportée par les 5 chevaux, les talents à la fois, il sentit une ivresse le submerger. Comme un architecte qui fait le plan d'un palais, il arrangea d'avance sa vie. Il l'emplit de délicatesse et de splendeur. Elle montait jusqu'au ciel. Une prodigalité de choses y apparaissait, et cette contemplation était si profonde que les objets extérieurs avaient disparu. Au bas de la côte de Sourdin, il s'aperçut de l'endroit où l'on était. On n'avait fait que 5 kilomètres tout au plus. Il fut indigné. Il abattit le Vasistas pour voir la route. Il demanda plusieurs fois au conducteur dans combien de temps au juste on arriverait. Il se calma cependant et il restait dans son coin, les yeux ouverts. La lanterne, suspendue au siège du postillon, éclairait les croupes des limoniers. Il n'apercevait au-delà que les crinières des autres chevaux, qui ondulaient comme des vagues blanches, leurs haleines formaient un brouillard de chaque côté de l'attelage, les chaînettes de fer sonnaient, les glaces tremblaient dans leur châssis, et la lourde voiture d'un train égal roulait sur le pavé. Ça et là, on distinguait le mur d'une grange ou bien une auberge toute seule. Parfois, en passant dans les villages, le four d'un boulanger projetait des lueurs d'incendie et la silhouette monstrueuse des chevaux courait sur l'autre maison en face. Au relais, quand on avait dételé, il se faisait un grand silence pendant une minute. Quelqu'un piétinait en haut, sous la bâche, tandis qu'au seuil d'une porte, une femme, debout, abritait sa chandelle avec sa main. Puis le conducteur, sautant sur le marchepied, la diligence repartait. À Mormant, on entendit sonner 1h15. C'est donc aujourd'hui, pensa-t-il, aujourd'hui même, tantôt. Mais peu à peu, ses espérances et ses souvenirs, nos gens, la rue de Choiseul, Madame Arnoux, sa mère, tout se confondait. Un bruit sourd de planches le réveilla. On traversait le pont de Charenton, c'était Paris. Alors, ses deux compagnons, ôtant l'un sa casquette, l'autre son foulard, se couvrirent de leurs chapeaux et causèrent. Le premier, un gros homme rouge en redingote de velours, était un négociant. Le second venait dans la capitale pour consulter un médecin, et, craignant de l'avoir incommodé pendant la nuit, Frédéric lui fit spontanément des excuses, tant il avait l'âme attendrie par le bonheur. Le quai de la gare se trouvant inondé, sans doute, on continua tout droit et la campagne recommença. Au loin, de hautes cheminées d'usines fumaient, puis on tourna dans Ivry. On monta une rue. Tout à coup, il aperçut le dôme du Panthéon. La plaine, bouleversée, semblait de vagues ruines. L'enceinte des fortifications y faisait un renflement horizontal et, sur les trottoirs en terre qui bordaient la route, de petits arbres sans branches étaient défendus par des lattes hérissées de clous. Des établissements de produits chimiques alternaient avec des chantiers de marchands de bois. De hautes portes, comme il y en a dans les fermes, laissaient voir, par leurs battants entr'ouverts, l'intérieur d'innobles cours pleines d'immondices avec des flaques d'eau sale au milieu. De longs cabarets couleur sang de bœuf portaient à leur premier étage, entre les fenêtres, 2 queues de billard en sautoir, dans une couronne de fleurs peintes, ça et là, une bicoque de plâtre à moitié construite était abandonnée. Puis la double ligne de maisons ne discontinua plus, et sur la nudité de leur façade se détachait de loin en loin un gigantesque cigare de fer blanc pour indiquer un débit de tabac. Des enseignes de sages-femmes représentaient une matrone en bonnet dodelinant un poupon dans une courte pointe garnie de dentelles. Des affiches couvraient l'angle des murs et, aux 3/4 déchirées, tremblaient au vent comme des guenilles. Des ouvriers en blouse passaient, et des haquets de brasseurs, des fourgons de blanchisseuses, des carrioles de bouchers. Une pluie fine tombait, il faisait froid, le ciel était pâle, mais 2 yeux qui valaient pour lui le soleil resplendissaient derrière la brume. On s'arrêta longtemps à la barrière, car des coquetiers, des rouliers et un troupeau de moutons y faisaient de l'encombrement. Le factionnaire, la capote rabattue, allait et venait devant sa guérite pour se réchauffer. Le commis de l'octroi grimpa dans l'impérial et une fanfare de cornets à pistons éclata. On descendit le boulevard au grand trot, les palonniers battant, les traits flottants, la mèche du long fouet claquait dans l'air humide. Le conducteur lançait son cri sonore « Allume, allume, ohé !» Les balayeurs se rangeaient, les piétons sautaient en arrière, la boue jaillissait contre les vasistas, on croisait des tombereaux, des cabriolets, des omnibus. Enfin, la grille du jardin des plantes se déploya. La Seine jaunâtre touchait presque au tablier des ponts. Une fraîcheur s'en exhalait. Frédéric l'aspira de toutes ses forces, savourant ce bon air de Paris qui semble contenir des effluves amoureux et des émanations intellectuelles. Il eut un attendrissement en apercevant le premier fiacre, et il aimait jusqu'au seuil des marchands de vin garnis de paille, jusqu'aux décrotteurs avec leurs boîtes, jusqu'aux garçons épiciers secouant leurs brûleurs à café. Des femmes trottinaient sous des parapluies et se penchaient pour distinguer leurs figures. Un hasard pouvait avoir fait sortir Madame Arnoux. Les boutiques défilaient, la foule augmentait, le bruit devenait plus fort. Après le quai Saint-Bernard, le quai de la Tournelle et le quai Montebello, on prit le quai Napoléon, il voulut voir ses fenêtres, elles étaient loin. Puis on repassa la Seine sur le pont Neuf, on descendit jusqu'au Louvre, et par les rues Saint-Honoré, Croix des Petits Champs et du Boulois, on atteignit la rue Coq-Héron et l'on entra dans la cour de l'hôtel. Pour faire durer son plaisir, Frédéric s'habilla le plus lentement possible et même il se rendit à pied au boulevard Montmartre. Il souriait à l'idée de revoir, tout à l'heure, sur la plaque de marbre, le nom Chéri, il leva les yeux. Plus de vitrines, plus de tableaux, rien. Il courut à la rue de Choiseul. Monsieur et Madame Arnoux n'y habitaient pas, et une voisine gardait la loge du portier. Frédéric l'attendit. Enfin, il parut, ce n'était plus le même. Il ne savait point leur adresse. Frédéric entra dans un café et tout en déjeunant, consulta l'almanach du commerce. Il y avait 300 Arnoux, mais pas de Jacques Arnoux. Où donc logeait-il? Pellerin devait le savoir. Il se transporta tout en haut du faubourg Poissonnière à son atelier. La porte n'ayant ni sonnette ni marteau, il donna de grands coups de poing et il appela, cria. Le vide seul lui répondit. Il songea ensuite à Ussonnet. Mais où découvrir un pareil homme? Une fois, il l'avait accompagné jusqu'à la maison de sa maîtresse, rue de Fleurus. Parvenu dans la rue de Fleurus, Frédéric s'aperçut qu'il ignorait le nom de la demoiselle. Il eut recours à la préfecture de police. Il erra d'escalier en escalier, de bureau en bureau. Celui des renseignements se fermait. On lui dit de repasser le lendemain. Puis il entra chez tous les marchands de tableaux qu'il put découvrir pour savoir si l'on ne connaissait point Arnoux. Monsieur Arnoux ne faisait plus le commerce. Enfin, découragé, harassé, malade, il s'en revint à son hôtel et se coucha. Au moment où il s'allongeait entre ses draps, une idée le fit bondir de joie. « Rogin Barthe ! Quel imbécile je suis de n'y avoir pas songé !» Le lendemain, dès 7 heures, il arriva à rue Notre-Dame-des-Victoires, devant la boutique d'un rogomiste où Rogin Barthe avait coutume de prendre le vin blanc. Elle n'était pas encore ouverte, il fit un tour de promenade aux environs et, au bout d'une demi-heure, s'y présenta de nouveau. Rogin Barthe en sortait. Frédéric s'élança dans la rue, il crut même apercevoir au loin son chapeau, un corbillard et des voitures de deuil s'interposaient. L'embarras passé, la vision avait disparu. Heureusement, il se rappela que le citoyen déjeunait tous les jours à 11 heures précises chez un petit restaurateur de la place Gaillon. Il s'agissait de patienter et, après une interminable flânerie de la Bourse à la Madeleine et de la Madeleine au gymnase, Frédéric, à 11 heures précises, entra dans le restaurant de la place Gaillon, sûr d'y trouver son Rogin Barthe. « Connais pas !» dit le gargotier d'un ton rogue. Frédéric insistait. Il reprit. « Je ne le connais plus, monsieur !» avec un haussement de sourcils majestueux et des oscillations de la tête qui décelaient un mystère. Mais dans leur dernière entrevue, le citoyen avait parlé de l'estaminet Alexandre. Frédéric avala une brioche et, sautant dans son cabriolet, s'enquit près du cocher s'il n'y avait point quelque part sur les hauteurs de Sainte-Geneviève un certain café Alexandre. Le cocher le conduisit rue des Francs-Bourgeois à Saint-Michel dans un établissement de ce nom-là, et à sa question « Monsieur Rogin Barthe, s'il vous plaît ?» le cafetier lui répondit avec un sourire extra-gracieux. « Nous ne l'avons pas encore vu, monsieur, » tandis qu'il jetait à son épouse, assise dans le comptoir, un regard d'intelligence, et aussitôt se tournant vers l'horloge. « Mais nous l'aurons, j'espère, d'ici à 10 minutes, un quart d'heure, tout au plus. Célestin, vite, les feuilles! Qu'est-ce que monsieur désire prendre ?» Quoique n'ayant besoin de rien prendre, Frédéric avala un verre de rhum, puis un verre de kirsch, puis un verre de curaçao, puis différents grogs, tant froids que chauds. Il lut tout le siècle du jour et le relut, il examina, jusque dans les grains du papier, la caricature du charivari. À la fin, il savait par cœur les annonces. De temps à autre, des bottes résonnaient sur le trottoir. C'était lui. Et la forme de quelqu'un se profilait sur les carreaux, mais cela passait toujours. Afin de se désennuyer, Frédéric changeait de place. Il alla se mettre dans le fond, puis à droite, ensuite à gauche, et il restait au milieu de la banquette, les deux bras étendus. Mais un chat, foulant délicatement le velours du dossier, lui faisait des peurs en bondissant tout à coup pour lécher les taches de sirop sur le plateau. Et l'enfant de la maison, un intolérable mioche de 4 ans, jouait avec une crécelle sur les marches du comptoir. Sa maman, petite femme palote, à dents gâtées, souriait d'un air stupide. Que pouvait donc faire Rogimbard ? Frédéric l'attendait, perdu dans une détresse illimitée. La pluie sonnait comme grêle sur la capote du cabriolet. Par l'écartement du rideau de mousseline, il apercevait dans la rue le pauvre cheval, plus immobile qu'un cheval de bois. Le ruisseau, devenu énorme, coulait entre deux rayons de roues, et le cocher, s'abritant de la couverture, sommeillait, mais craignant que son bourgeois ne s'esquivât, de temps à autre il entrouvait la porte, tout ruisselant comme un fleuve, et si les regards pouvaient user les choses, Frédéric aurait dissous l'horloge à force d'attacher dessus les yeux. Elle marchait cependant. Le sieur Alexandre se promenait de long en large en répétant « Il va venir, allez, il va venir !» Et pour le distraire, lui tenait des discours, parlait politique. Il passa même la complaisance jusqu'à lui proposer une partie de domino. Enfin, à 4h30, Frédéric, qui était là depuis midi, se leva d'un bond, déclarant qu'il n'attendait plus. « Je n'y comprends rien moi-même, » répondit le cafetier d'un air candide. « C'est la première fois que manque Monsieur Ledoux. »« Comment, Monsieur Ledoux ?»« Mais oui, monsieur !» « J'ai dit Rogimbard !» s'écria Frédéric exaspéré. « Ah, mille excuses, vous faites erreur, n'est-ce pas, Madame Alexandre? Monsieur a dit Monsieur Ledoux !» Et interpellant le garçon, « Vous l'avez entendu vous-même, comme moi !» Pour se venger de son maître, sans doute, le garçon se contenta de sourire. Frédéric se fit ramener vers les boulevards, indigné du temps perdu, furieux contre les citoyens, implorant sa présence comme celle d'un dieu, et bien résolu à l'extraire du fond des caves les plus lointaines. Sa voiture l'agaçait, il la renvoya. Ses idées se brouillaient, puis tous les noms des cafés qu'il avait entendus prononcer par cet imbécile jaillirent de sa mémoire à la fois comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. Café Gascard, Café Grimbert, Café Albou, Estaminet Bordelais, Avanay, Avray, Bœuf à la mode, Brasserie Allemande, Mère Morel, et il se transporta dans tous successivement. Mais dans l'un, Rogimbard venait de sortir, dans un autre il viendrait peut-être, dans un troisième on ne l'avait pas vu depuis 6 mois. D'ailleurs, il avait commandé hier un gigot pour samedi. Enfin, chez Vautier, les Monadiers, Frédéric, ouvrant la porte, se heurta contre le garçon. « Connaissez-vous Monsieur Rogimbard ?»« Comment, monsieur, si je le connais ? C'est moi qui ai l'honneur de le servir. Il est en haut, il achève le dîner. » Et la serviette sous le bras, le maître de l'établissement lui-même l'aborda. « Vous demandez Monsieur Rogimbard, monsieur. Il était ici à l'instant. » Frédéric poussa un juron, mais le limonadier affirma qu'il le trouverait chez Boutevillain infailliblement. « Je vous en donne ma parole d'honneur. Il est parti un peu plus tôt que de coutume, car il a un rendez-vous d'affaires avec des messieurs. Mais vous le trouverez, je vous le répète, chez Boutevillain, rue Saint-Martin, 92, deuxième perron à gauche, au fond de la cour, entresol, porte à droite. » Enfin, il l'aperçut à travers la fumée des pipes, seul, au fond de l'arrière-buvette. Après le billard, une chope devant lui, le menton baissé et dans une attitude méditative. « Ah, il y a longtemps que je vous cherchais, vous !» Sans s'émouvoir, Rogimbard lui tendit 2 doigts seulement, et comme s'il l'avait vu la veille, il débita plusieurs phrases insignifiantes sur l'ouverture de la session. Frédéric l'interrompit en lui disant, de l'air le plus naturel qu'il put, « Arnoux va bien ?» La réponse fut si longue à venir, Rogimbard se gargarisait avec son liquide. « Oui, pas mal !» « Où demeure-t-il donc maintenant ?»« Mais rue Paradis-Poissonnière, » répondit le citoyen étonné. « Quel numéro ?»« 37, Pablo, vous êtes drôle !» Frédéric se leva. « Comment, vous partez ?»« Oui, oui, j'ai une course, une affaire que j'oubliais. Adieu. » Frédéric alla de l'estaminet chez Arnoux, comme soulevé par un vent tiède et avec l'aisance extraordinaire que l'on éprouve dans les songes. Il se trouva bientôt à un second étage devant une porte dont la sonnette retentissait. Une servante parut, une seconde porte s'ouvrit. Madame Arnoux était assise près du feu. Arnoux fit un bond et l'embrassa. Elle avait sur ses genoux un petit garçon de 3 ans, à peu près. Sa fille, grande comme elle maintenant, se tenait debout, de l'autre côté de la cheminée. « Permettez-moi de vous présenter ce monsieur-là, » dit Arnoux en prenant son fils par les aisselles. et il s'amusa quelques minutes à le faire sauter en l'air, très haut, pour le recevoir au bout de ses bras. « Tu vas le tuer ! Ah, mon Dieu ! Finis donc !» s'écria Madame Arnoux. Mais Arnoux, jurant qu'il n'y avait pas de danger, continuait et même zézayait des caresses en patois marseillais, son langage natal. « Ah, bras pitchoun, mon pouli roussignolet !» Puis il demanda à Frédéric pourquoi il avait été si longtemps sans leur écrire, ce qu'il avait pu faire là-bas, ce qui le ramenait. « Moi, à présent, cher ami, je suis marchand de faïence, mais causons de vous. » Frédéric allégua à un long procès la santé de sa mère, il insista beaucoup là-dessus, afin de se rendre intéressant. Bref, il se fixait à Paris, définitivement cette fois, et il ne dit rien de l'héritage, dans la peur de nuire à son passé. Les rideaux, comme les meubles, étaient en damas de laine marron. Deux oreillers se touchaient contre le traversin, une bouillotte chauffait dans ses charbons, et l'abat-jour de la lampe, posée au bord de la commode, assombrissait l'appartement. Madame Arnoux avait une robe de chambre en mérinos gros bleu, le regard tourné vers les cendres et une main sur l'épaule du petit garçon. Elle défaisait, de l'autre, le lacet de la brassière. Le mioche en chemise pleurait tout en se grattant la tête, comme Monsieur Alexandre, fils. Frédéric s'était attendu à des spasmes de joie, mais les passions s'étiolent quand on les dépayse, et ne retrouvant plus Madame Arnoux dans le milieu où il l'avait connue, elle lui semblait avoir perdu quelque chose, portée confusément, comme une dégradation, enfin n'être pas la même. Le calme de son cœur le stupéfiait. Il s'informa des anciens amis, de pèlerins entre autres. « Je ne le vois pas souvent !» dit Arnoux. Elle ajouta « Nous ne recevons plus comme autrefois. » Était-ce pour l'avenir qu'on ne lui ferait aucune invitation ? Mais Arnoux, poursuivant ses cordialités, lui reprocha de n'être pas venu dîner avec eux à l'improviste et il expliqua pourquoi il avait changé d'industrie. « Que voulez-vous faire dans une époque de décadence comme la nôtre ? La grande peinture est passée de mode. D'ailleurs, on peut mettre de l'art partout. Vous savez, moi j'aime le beau. Il faudra un de ces jours que je vous mène à ma fabrique. » Et il voulut lui montrer immédiatement quelques-uns de ses produits dans son magasin à l'entresol. Les plats, les soupières, les assiettes et les cuvettes encombraient le plancher. Contre les murs étaient dressés de larges carreaux de pavage pour salle de bain et cabinets de toilette avec sujets mythologiques dans le style de la Renaissance, tandis qu'au milieu, une double étagère, montant jusqu'au plafond, supportait les vases à contenir la glace, des pots à fleurs, des candélabres, de petites jardinières et de grandes statuettes polychromes figurant un nègre ou une bergère pompadour. Les démonstrations d'Arnoux ennuyaient Frédéric, qui avait froid et faim. Il courut au café anglais, y soupa splendidement et, tout en mangeant, il se disait « J'étais bien bon là-bas avec mes douleurs. À peine si elle m'a reconnu, quelle bourgeoise !» Et dans un brusque épanouissement de santé, il se fit des résolutions d'égoïsme. Il se sentait le cœur dur comme la table où ses coudes posaient. Donc il pouvait, maintenant, se jeter au milieu du monde, sans peur. L'idée des Dambreuses lui vint. Il les utiliserait. Puis il se rappela des lauriers. « Ah, ma foi, tant pis !» Cependant, il lui envoya, par un commissionnaire, un billet, lui donnant rendez-vous le lendemain au Palais-Royal afin de déjeuner ensemble. La fortune n'était pas si douce pour celui-là. Il s'était présenté au concours d'agrégation avec une thèse sur le droit de tester, où il soutenait qu'on devait le restreindre autant que possible, et son adversaire, l'excitant à lui faire dire des sottises, il en avait dit beaucoup sans que les examinateurs bronchassent. Puis le hasard avait voulu qu'il tirât au sort, pour sujet de leçon, la prescription. Alors des lauriers s'étaient livrés à des théories déplorables, les vieilles contestations devaient se produire comme les nouvelles, pourquoi le propriétaire serait-il privé de son bien parce qu'il n'en peut fournir les titres qu'après 31 ans révolus? C'était donner la sécurité de l'honnête homme à l'héritier du voleur enrichi. Toutes les injustices étaient consacrées par une extension de ce droit, qui était la tyrannie, l'abus de la force. Il s'était même écrié « Abolissons-le, et les Francs ne pèseront plus sur les Gaulois, les Anglais sur les Irlandais, les Yankees sur les Peaux-Rouges, les Turcs sur les Arabes, les Blancs sur les Nègres, la Pologne. » Le président l'avait interrompu. « Bien, bien, monsieur, nous n'avons que faire de vos opinions politiques. Vous vous représenterez plus tard. » Des lauriers n'avait pas voulu se représenter. Mais ce malheureux titre 20 du 3e livre du Code civil était devenu pour lui une montagne d'achoppement. Il élaborait un grand voyage sur la prescription considérée comme base du droit civil et du droit naturel des peuples, et il était perdu dans Dunod, Rogerius, Balbus, Merlin, Vazeille, Savigny, Troplong et autres lectures considérables. Afin de s'y livrer plus à l'aise, il s'était démis de sa place de maître clerc. Il vivait en donnant des répétitions, en fabriquant des thèses et aux séances de la parlotte. Il effrayait par sa virulence le parti conservateur, tous les jeunes doctrinaires issus de M. Guizot, si bien qu'il avait, dans un certain monde, une espèce de célébrité quelque peu mêlée de défiance pour sa personne. Il arriva au rendez-vous, portant un gros paletot doublé de flanelle rouge, comme celui du Sénécal autrefois. Le respect humain, à cause du public qui passait, les empêcha de s'étreindre longuement, et ils allèrent jusque chez Vétour, bras dessous, en ricanant de plaisir avec une larme au fond des yeux. Puis, dès qu'ils furent seuls, Deslauriers s'écria « Ah, saperlotte, nous allons nous la repasser douce maintenant !» Frédéric n'aima point cette manière de s'associer tout de suite à sa fortune. Son ami témoignait trop de joie pour eux deux et pas assez pour lui seul. Ensuite, Deslauriers conta son échec et peu à peu ses travaux, son existence, parlant de lui-même, stoïquement et des autres avec aigreur. Tout lui déplaisait, pas un homme en place qui ne fût un crétin ou une canaille. Pour un verre mal rincé, il s'emporta contre le garçon et, sur le reproche anodin de Frédéric, « Comme si j'allais me gêner pour de pareils cocos qui vous gagnent jusqu'à des 6 et 8 000 francs par an, qui sont électeurs, éligibles peut-être ? Ah non, non !» Puis, d'un air enjoué, « Mais j'oublie que je parle à un capitaliste, à un mondor, car tu es un mondor maintenant !» Et revenant sur l'héritage, il exprima cette idée que les successions collatérales, chose injuste en soi, bien qu'il se réjouît de celle-là, serait aboli un de ces jours à la prochaine révolution. « Tu crois ?» dit Frédéric. « Compte dessus !» répondit-il. « Ça ne peut pas durer, on souffre trop. Quand je vois dans la misère des gens comme Sénécal, toujours Sénécal, » pensa Frédéric. « Quoi de neuf du reste ? Es-tu encore amoureux de Madame Arnoux ? C'est passé, hein ?» Frédéric, ne sachant que répondre, ferma les yeux en baissant la tête. À propos d'Arnoux, Deslauriers lui apprit que son journal appartenait maintenant à Hussonnet, lequel l'avait transformé. Cela s'appelait l'Art, institut littéraire, société par action de 100 francs chacune, capital social 40 000 francs, avec la faculté pour chaque actionnaire de pousser là sa copie. La société a pour but de publier les œuvres des débutants, d'épargner au talent, au génie peut-être, les crises douloureuses qui abreuvent, etc. Tu vois la blague ? Il y avait cependant quelque chose à faire. C'était de hausser le ton de ladite feuille, puis tout à coup, gardant les mêmes rédacteurs et promettant la suite du feuilleton, de servir aux abonnés un journal politique, les avances ne seraient pas énormes. « Qu'en penses-tu, voyons ? Veux-tu t'y mettre ?» Frédéric ne repoussa pas la proposition, mais il fallait attendre le règlement de ses affaires. « Alors, si tu as besoin de quelque chose... »« Merci, mon petit !» dit Deslauriers. Ensuite, ils fumèrent des puros, accoudés sur la planche de velours au bord de la fenêtre. Le soleil brillait, l'air était doux, des troupes d'oiseaux voletant s'abattaient dans le jardin, des statues de bronze et de marbre, lavées par la pluie, miroitaient, des bonnes en atelier causaient assises sur des chaises, et l'on entendait les rires des enfants avec le murmure continu que faisait la gerbe du jet d'eau. Frédéric s'était senti troublé par l'amertume de Deslauriers, mais sous l'influence du vin qui circulait dans ses veines, à moitié endormi, engourdi et recevant la lumière en plein visage, il n'éprouvait plus qu'un immense bien-être, voluptueusement stupide, comme une plante saturée de chaleur et d'humidité. Deslauriers, les paupières entrecloses, regardait au loin, vaguement. Sa poitrine se gonflait et il se mit à dire « Ah, c'était plus beau quand Camille Desmoulins, debout là-bas sur une table, poussait le peuple à la Bastille. On vivait dans ce temps-là, on pouvait s'affirmer, prouver sa force. De simples avocats commandaient à des généraux, des va-nu-pieds battaient les rois, tandis qu'à présent… » Il se tut, puis tout à coup « Bah, l'avenir est gros !» Et tambourinant la charge sur les vitres, il déclama ces vers de Barthélemy. « Elle reparaîtra à la terrible assemblée dont, après 40 ans, votre tête est troublée, colosse qui sans peur marche d'un pas puissant. Je ne sais plus le reste, mais il est tard, si nous partions !» Et il continua dans la rue à exposer ses théories. Frédéric, sans l'écouter, observait à la devanture des marchands les étoffes et les meubles convenables pour son installation, et ce fut peut-être la pensée de Madame Arnoux qui le fit s'arrêter à l'étalage d'un brocanteur devant 3 assiettes de faïence. Elles étaient décorées d'arabesques jaunes, à reflets métalliques, et valaient 100 écus la pièce. Il les fit mettre de côté. « Moi, à ta place, » dit Deslauriers, « je m'achèterais plutôt de l'argenterie. » Décelant, par cet amour du cossu, l'homme de mince origine. Dès qu'il fut seul, Frédéric se rendit chez le célèbre pomadaire, où il se commanda 3 pantalons, 2 habits, une pelisse de fourrure et 5 gilets, puis chez un bottier, chez un chemisier, chez un chapelier, ordonnant partout qu'on se hâtât le plus possible. Trois jours après, le soir, à son retour du Havre, il trouva chez lui sa garde-robe complète et, impatient de s'en servir, il résolut de faire à l'instant même une visite aux Dambreuses. Mais il était trop tôt, 8 heures à peine. Si j'allais chez les autres, se dit-il. Arnoux seul, devant sa glace, était en train de se raser. Il lui proposa de le conduire dans un endroit où il s'amuserait et, au nom de M. Dambreuse, « Ah, ça se trouve bien, vous verrez là de ses amis, venez donc, ce sera drôle !» Frédéric s'excusait, Madame Arnoux reconnut sa voix et lui souhaita le bonjour à travers la cloison, car sa fille était indisposée, elle-même souffrante, et l'on entendait le bruit d'une cuillère contre un verre et tout ce frémissement de choses délicatement remuées qui se fait dans la chambre d'un malade. Puis Arnoux disparut pour dire adieu à sa femme. Il entassait les raisons. « Tu sais bien que c'est sérieux, il faut que j'y aille, j'y ai besoin, on m'attend !»« Va, va, mon ami, amuse-toi !» Arnoux héla un fiacre. « Palais Royal, Galerie Montpensier, 7 !» Et, se laissant tomber sur les coussins, « Ah, comme je suis là, mon cher, j'en crèverai. Du reste, je peux bien vous le dire à vous !» Il se pencha vers son oreille mystérieusement. « Je cherche à retrouver le rouge de cuivre des Chinois. » Et il expliqua ce qu'était la couverte et le petit feu. Arrivé chez Chevet, on lui remit une grande corbeille qu'il fit porter sur le fiacre. Puis il choisit pour sa pauvre femme du raisin, des ananas, différentes curiosités de bouche et recommanda qu'elles fussent envoyées de bonne heure le lendemain. Ils allèrent ensuite chez un costumier. C'était d'un bal qu'il s'agissait. Arnoux prit une culotte de velours bleu, une veste pareille, une perruque rouge, Frédéric un domino, et ils descendirent rue de Laval devant une maison illuminée au second étage par des lanternes de couleur. Dès le bas de l'escalier, on entendait le bruit des violons. « Où diable me menez-vous ? » dit Frédéric. « J'ai une bonne fille, n'ayez pas peur !» Un groom leur ouvrit la porte et ils entrèrent dans l'antichambre où des paletots, des manteaux et des châles étaient jetés en pile sur des chaises. Une jeune femme en costume de dragon Louis XV la traversait en ce moment-là. C'était Mademoiselle Rose Annette Bron, la maîtresse du lieu. « Eh bien ?» dit Arnoux. « C'est fait !» répondit-elle. « Ah, merci, mon ange !» Et il voulut l'embrasser. « Prends donc garde, imbécile, tu vas gâter mon maquillage !» Arnoux présenta Frédéric. « Tapez là-dedans, monsieur, soyez le bienvenu !» Elle écarta une portière derrière elle et se mit à crier emphatiquement. « Le sieur Arnoux, Marmiton et un prince de ses amis !» Frédéric fut d'abord ébloui par les lumières, il n'aperçut que de la soie, du velours, des épaules nues, une masse de couleurs qui se balançait au son d'un orchestre caché par des verdures entre les murailles tendues de soie jaune, avec des portraits au pastel, çà et là, et des torchères de cristal en style Louis XVI. De hautes lampes, dont les globes dépolis ressemblaient à des boules de neige, dominaient les corbeilles de fleurs posées sur des consoles dans les coins, et en face, après une seconde pièce plus petite, on distinguait dans une troisième un lit à colonnes, torse, ayant une glace de Venise à son chevet. Les dames s'arrêtèrent et il y eut des applaudissements, un vacarme de joie, à la vue d'Arnoux s'avançant avec son panier sur la tête. Les victuailles faisaient bosse au milieu. « Gare au lustre !» Frédéric leva les yeux. C'était le lustre en vieux Saxe qui ornait la boutique de l'art industriel. Le souvenir des anciens jours passa dans sa mémoire, mais un fantassin de la ligne en petite tenue, avec cet air nigaud que la tradition donne aux conscrits, se planta devant lui, en écartant les deux bras pour marquer l'étonnement. Et il reconnut, malgré les effroyables moustaches noires extra pointues qui le défiguraient, son ancien ami Hussonnet. Dans un charabia moitié alsacien, moitié nègre, le bohème l'accablait de félicitations, l'appelant son colonel. Frédéric, décontenancé par toutes ces personnes, ne savait que répondre. Un archer ayant frappé sur un pupitre, danseurs et danseuses se mirent en place. Ils étaient une soixantaine environ, les femmes pour la plupart en villageoises ou en marquises, et les hommes, presque tous d'âge mûr, en costume de roulier, de débardeur ou de matelot. Un vieux beau, vêtu comme un doge vénitien d'une longue simarre de soie pourpre, dansait avec Madame Rosanette qui portait un habit vert, une culotte de tricot et des bottes molles à éperons d'or. Le couple en face se composait d'un arnaute chargé de yad dagan et d'une suissesse aux yeux bleus, blanche comme du lait, potelée comme une caille, en manches de chemise et corset rouge. Pour faire valoir sa chevelure qui lui descendait jusqu'au jarret, une grande blonde marcheuse à l'opéra était mise en femme sauvage et par-dessus son maillot de couleur brune n'avait qu'un pagne de cuir, des bracelets de verroterie et un diadème de clinquant d'où s'élevait une haute gerbe en plume de paon. Devant elle, Un Pritchard, affublé d'un habit noir grotesque large, battait la mesure avec son coude sur sa tabatière. Un petit berger Watteau azur et argent, comme un clair de lune, choquait sa houlette comme le tirse d'une bacchante, couronnée de raisins, une peau de léopard sur le flanc gauche et des cothurnes à ruban d'or. De l'autre côté, une Polonaise, en spencer de velours nacara, balançait son jupon de gaze sur ses bas de soie gris-perle pris dans des bottines roses cerclées de fourrure blanche. Elle souriait à un quadragénaire ventru, déguisé en enfant de cœur, et qui gambadait très haut, levant d'une main son surplis et retenant de l'autre sa calotte rouge. Mais la reine, l'étoile, c'était Mademoiselle Loulou, célèbre danseuse des bals publics. Comme elle se trouvait riche maintenant, elle portait une large collerette de dentelle sur sa veste de velours uni, et son large pantalon de soie ponceau, collant sur la croupe et serré à la taille, par une écharpe de cachemire, avait, tout le long de la couture, des petits camélias blancs naturels. Sa mine pâle, un peu bouffie, et à nez retroussé, semblait plus insolent encore par les bouriffures de sa perruque, où tenait un chapeau d'homme en feutre gris, plié d'un coup de poing sur l'oreille droite, et dans les bonds qu'elle faisait, ses escarpins à boucles de diamants atteignaient presque au nez de son voisin, un grand baron moyen âge tout empêtré dans une armure de fer. Il y avait aussi un ange, un glaive d'or à la main, deux ailes de cygne dans le dos, et qui, allant, venant, perdant à toute minute son cavalier, un Louis XIV, ne comprenait rien aux figures et embarrassait la contredanse. Frédéric, en regardant ces personnes, éprouvait un sentiment d'abandon, un malaise. Il songeait encore à Madame Arnoux et il lui semblait participer à quelque chose d'hostile, se tramant contre elle. Quand le quadrille fut achevé, Madame Rosanette l'aborda. Elle haletait un peu et son hausse col, poli comme un miroir, se soulevait doucement sous son menton. « Et vous, monsieur » dit-elle, « vous ne dansez pas ?» Frédéric s'excusa, il ne savait pas danser. « Vraiment ? Mais avec moi, bien sûr !» Et, posé sur une seule hanche, l'autre genou un peu rentré, en caressant de la main gauche le pommeau de nacre de son épée, elle le considéra pendant une minute d'un air moitié suppliant, moitié gouailleur. Enfin, elle dit « Bonsoir !» fit une pirouette et disparut. Frédéric, mécontent de lui-même et ne sachant que faire, se mit à errer dans le bal. Il entra dans le couloir, capitonné de soie bleue pâle avec des bouquets de fleurs des champs, tandis qu'au plafond, dans un cercle de bois doré, des amours émergeant d'un ciel d'azur, batifolaient sur des nuages en forme d'édredons. Ces élégances, qui seraient aujourd'hui des misères pour les pareils de Rosanette, l'éblouirent, et il admira tout, les volubilises artificielles ornant le contour de la glace, les rideaux de la cheminée, le divan turc, et dans un renfoncement de la muraille, une manière de tente tapissée de soie rose avec de la mousseline blanche par-dessus. Des meubles noirs à marqueterie de cuivre garnissaient la chambre à coucher, où se dressait, sur une escadre, couverte d'une peau de cygne, le grand lit à baldaquin et à plumes d'autruche. Des épingles à tête de pierreries fichées dans les pelotes, des bagues traînant sur des plateaux, des médaillons à cercles d'or et des coffrets d'argent, se distinguaient dans l'ombre, sous la lueur qu'épanchait une urne de bohème, suspendue à trois chaînettes. Par une petite porte entrebâillée, on apercevait une serre chaude, occupant toute la largeur d'une terrasse et que terminait une volière à l'autre bout. C'était bien là un milieu fait pour plaire. Dans une brusque révolte de sa jeunesse, il se jura d'en jouir, s'enhardit, puis revenu à l'entrée du salon où il y avait plus de monde. Maintenant, tout s'agitait dans une sorte de pulvérulence lumineuse. Il resta debout à contempler les quadrilles, clignant des yeux pour mieux voir et humant les molles senteurs de femmes qui circulaient comme un immense baiser épandu. Mais il y avait près de lui, de l'autre côté de la porte, Pellerin. Pellerin en grande toilette, le bras gauche dans la poitrine, et tenant de la droite avec son chapeau un gant blanc déchiré. « Tiens, il y a longtemps qu'on ne vous a vu. Où diable étiez-vous donc? Parti en voyage, en Italie? Poncif, hein? L'Italie? Pas si raide qu'on dit. N'importe, apportez-moi vos esquisses un de ces jours. » Et sans attendre sa réponse, l'artiste se mit à parler de lui-même. Il avait fait beaucoup de progrès, ayant reconnu définitivement la bêtise de la ligne. On ne devait pas tant s'enquérir de la beauté et de l'unité dans une œuvre que du caractère et de la diversité des choses. Car tout existe dans la nature, donc tout est légitime, tout est plastique. Il s'agit seulement d'attraper la note, voilà. J'ai découvert le secret. Et lui donnant un coup de coude, il répéta plusieurs fois. J'ai découvert le secret, vous voyez? Ainsi, regardez-moi cette petite flamme à coiffure de sphinx qui danse, avec un postillon russe, ses nets secs arrêtés, tout en mes plats et en ton cru, de l'indigo sous les yeux, une plaque de cinabre à la joue, du bistre sur les tempes, pif paf. Et il jetait avec le pouce comme des coups de pinceau dans l'air, tandis que la grosse, là-bas, continua-t-il, en montrant une poissarde en robe cerise avec une croix d'or au cou et un fichu de linon noué dans le dos, rien que des rondeurs, des narines, ses pattes comme les ailes de son bonnet, les coins de la bouche se relèvent, le menton s'abaisse, tout est gras, fondu, copieux, tranquille et soleillant, un vrai Rubens. Elles sont parfaites cependant. Où est le type alors? Il s'échauffait. Qu'est-ce qu'une belle femme? Qu'est-ce que le beau? Ah, le beau, me direz-vous? Frédéric l'interrompit pour savoir ce qu'était un pierrot à profil de bouc, en train de bénir tous les danseurs au milieu d'une pastourelle. Rien du tout! Un veuf père de trois garçons. Il les laisse sans culotte, passe sa vie au club et couche avec la bonne. Et celui-là, costumé en bailli, qui parle dans l'embrasure de la fenêtre à une marquise Pompadour? La marquise, c'est Madame Vandaël, l'ancienne actrice du gymnase, la maîtresse du doge, le comte de Palazzo. Voilà 20 ans qu'ils sont ensemble, on ne sait pourquoi. Avait-elle de beaux yeux autrefois cette femme-là? Quant au citoyen près d'elle, on le nomme le capitaine d'Herbigny, un vieux de la vieille qui n'a pour toute fortune que sa croix d'honneur et sa pension, sert donc aux grisettes dans les solennités, arrange les duels et dîne en ville. Une canaille, dit Frédéric. Non, un honnête homme. Ah! L'artiste lui en nomma d'autres encore quand, apercevant un monsieur qui portait comme des médecins de Molière une grande robe de serge noire, mais bien ouverte de haut en bas, afin de montrer toutes ses breloques. Ceci vous représente le docteur Desrogis, enragé de n'être pas célèbre, a écrit un livre de pornographie médicale, cire volontiers les bottes dans le grand monde, est discret, ces dames l'adorent. Lui et son épouse, cette maigre châtelaine en robe grise, se trimballent ensemble dans tous les endroits publics et autres. Malgré la gêne du ménage, on a, un jour, thé artistique où il se lit des vers. Attention! En effet, le docteur les aborda, et bientôt ils formèrent tous les trois à l'entrée du salon. Un groupe de causeurs où vint s'adjoindre sonné, puis l'amant de la femme sauvage, un jeune poète, exhibant sous un court manuel à la François Ier, la plus piètre des anatomies et enfin un garçon d'esprit déguisé en turc de barrière. Mais sa veste à galons jaunes avait si bien voyagé sur le dos des dentistes ambulants, son large pantalon à plis était d'un rouge si déteint, son turban roulé comme une anguille à la tartare d'un aspect si pauvre, tout son costume enfin tellement déplorable et réussi, que les femmes ne dissimulaient pas leur dégoût. Le docteur l'en consola par de grands éloges sur la débardeuse sa maîtresse. Ce turc était fils d'un banquier. Entre deux quadrilles, Rosanette se dirigea vers la cheminée où était installé dans un fauteuil un petit vieillard replet en habit marron à boutons d'or. Malgré ses joues flétries qui tombaient dans sa haute cravate blanche, ses cheveux encore blonds et frisés naturellement comme des poils d'un caniche, lui donnaient quelque chose de folâtre. Elle l'écouta, penchée vers son visage. Ensuite, elle lui accommoda un verre de sirop et rien n'était mignon comme ses mains sous leurs manches de dentelle qui dépassaient les parements de l'habit vert. Quand le bonhomme eut bu, il les baisa. « Mais c'est Monsieur Oudry, le voisin d'Arnoux !»« Il l'a perdu !» dit Henri en pèlerin. « Comment ?» Un postillon de longs jumeaux la saisit par la taille, une valse commençait. Alors, toutes les femmes, assises autour du salon sur des banquettes, se levèrent à la file prestement, et leurs jupes, leurs écharpes, leurs coiffures se mirent à tourner. Elles tournaient si près de lui que Frédéric distinguait les gouttelettes de leur front, et ce mouvement giratoire, de plus en plus vif et régulier, vertigineux, communiquant à sa pensée une sorte d'ivresse, il faisait surgir d'autres images tandis que toutes passaient dans le même éblouissement, et chacune avec une excitation particulière selon le genre de sa beauté. La polonaise, qui s'abandonnait d'une façon langoureuse, lui inspirait l'envie de la tenir contre son cœur en filant tous les deux dans un traîneau sur une plaine couverte de neige. Des horizons de volupté tranquilles au bord d'un lac, dans un chalet, se déroulaient sous les pas de la Suissesse qui valsait le torse droit et les paupières baissées. Puis, tout à coup, la Bacchante, penchant en arrière sa tête brune, le faisait rêver à des caresses dévoratrices dans des bois de lauriers roses, par un temps d'orage au bruit confus des tambourins. La poissarde, que la mesure trop rapide essoufflait, poussait des rires et il aurait voulu, buvant avec elle au porcheron, chiffonner à pleine main son fichu comme au bon vieux temps. Mais la débardeuse, dont les orteils légers effleuraient à peine le parquet, semblait receler, dans la souplesse de ses membres et le sérieux de son visage, sous les raffinements de l'amour moderne qui a la justesse d'une science et la mobilité d'un oiseau. Rosanette tournait, le poing sur la hanche, sa perruque à marteau sautillant sur son collet, envoyait de la poudre d'iris autour d'elle, et à chaque tour, au bout de ses éperons d'or, elle manquait d'attraper Frédéric. Au dernier accord de la valse, Mademoiselle Vatenaz parut. Elle avait un mouchoir algérien sur la tête, beaucoup de piastres sur le front, de l'antimoine au bord des yeux, avec une espèce de paletot en cachemire noir, tombant sur un jupon clair lamé d'argent, et elle tenait un tambour de basque à la main. Derrière son dos marchait un grand garçon, dans le costume classique du Dante, et qui était, elle ne s'en cachait plus maintenant, l'ancien chanteur de l'Alhambra, lequel, s'appelant Auguste de Lamar, s'était fait appeler primitivement en ténor de Lamar, puis Delmas, puis Belmar, et enfin Delmar, modifiant ainsi et perfectionnant son nom, d'après sa gloire croissante, car il avait quitté le Bastringue pour le théâtre et venait même de débuter bruyamment à l'ambigu dans Gaspardo le pêcheur. Hussonnet, en l'apercevant, se renfrogna. Depuis qu'on avait refusé sa pièce, il exécrait les comédiens. On n'imaginait pas la vanité de ces messieurs, de celui-là surtout. Quel poseur, voyez donc! Après un léger salut à Rosanette, Delmar s'était adossé à la cheminée. Il restait immobile, une main sur le cœur, le pied gauche en avant, les yeux au ciel avec sa couronne de laurier dorée par-dessus son capuchon, tout en s'efforçant de mettre dans son regard beaucoup de poésie pour fasciner les dames. On faisait, de loin, un grand cercle autour de lui. Mais la Vatenaz, quand elle eut embrassé longuement Rosanette, s'en vint prier Hussonnet de revoir, sous le point de vue du style, un ouvrage d'éducation qu'elle voulait publier, « La guirlande des jeunes personnes », recueil de littérature et de morale. L'homme de lettres promit son concours. Alors elle lui demanda s'il ne pourrait pas, dans une des feuilles où il avait accès, faire mousser quelque peu son ami et même lui confier plus tard un rôle. Hussonnet en oublia de prendre un verre de punch. C'était Arnoux qui l'avait fabriqué et, suivi par le groom du comte portant un plateau vide, il l'offrait aux personnes avec satisfaction. Quand il vint à passer devant M. Oudry, Rosanette l'arrêta. « Eh bien, et cette affaire ?» Il rougit quelque peu, enfin, s'adressant au bonhomme. « Notre ami m'a dit que vous auriez l'obligeance. Comment donc, mon voisin ? Tout à vous !» Et le nom de M. d'Ambreuse fut prononcé. Comme il s'entretenait à demi-voix, Frédéric les entendit confusément et se porta vers l'autre coin de la cheminée, où Rosanette et Delmar causaient ensemble. Le cabotin avait une mine vulgaire, faite comme les décors de théâtre pour être contemplés à distance, des mains épaisses, des grands pieds, une mâchoire lourde, et il dénigrait les acteurs les plus illustres, traitait de haut les poètes, disait « mon organe, mon physique, mes moyens », en émaillant son discours de mots peu intelligibles pour lui-même et qu'il affectionnait tels que « morbidesa, analogue et homogénéité ». Rosanette l'écoutait avec de petits mouvements de tête approbatifs. On voyait l'admiration s'épanouir sous le fard de ses joues et quelque chose d'humide passait comme un voile sur ses yeux clairs d'une indéfinissable couleur. Comment un pareil homme pouvait-il la charmer ? Frédéric s'excitait intérieurement à le mépriser encore plus, pour bannir peut-être l'espèce d'envie qu'il lui portait. Mademoiselle Vatenaz était maintenant avec Arnoux et, tout en riant très haut de temps à autre, elle jetait un coup d'œil sur son ami que M. Oudry ne perdait pas de vue. Puis Arnoux et la Vatenaz disparurent, le bonhomme vint parler bas à Rosanette. « Eh bien oui, c'est convenu, laissez-moi tranquille !» Et elle pria Frédéric d'aller voir dans la cuisine si M. Arnoux n'y était pas. Un bataillon de verre à moitié plein couvrait le plancher, et les casseroles, les marmites, la turbotière, la poêle à frire sautaient. Arnoux commandait aux domestiques en les tutoyant, battait la rémoulade, goûtait les sauces, rigolait avec la bonne. « Bien, dit-il, avertissez-la, je fais servir. » On ne dansait plus, les femmes venaient de se rasseoir, les hommes se promenaient. Au milieu du salon, un des rideaux tendus sur une fenêtre se bombait au vent, et la sphinx, malgré les observations de tout le monde, exposait au courant d'air ses bras en sueur. Où donc était Rosanette ? Frédéric la chercha plus loin, jusque dans le boudoir et dans la chambre. Quelques-uns, pour être seuls, ou deux à deux, s'y étaient réfugiés. L'ombre et les chuchotements se mêlaient. Il y avait de petits rires sous des mouchoirs, et l'on entrevoyait au bord des corsages des frémissements d'éventails, lents et doux, comme des battements d'ailes d'oiseaux blessés. En entrant dans la serre, il vit, sous les larges feuilles d'un caladium, près le jet d'eau, Delmar, couché à plat, ventre sur le canapé de toile. Rosanette, assise près de lui, avait la main passée dans ses cheveux, et ils se regardaient. Au même moment, Arnoux entra par l'autre côté, celui de la volière. Delmar se leva d'un bond, puis il sortit à pas tranquille, sans se retourner, et même s'arrêta près de la porte pour cueillir une fleur d'hibiscus dont il garnit sa boutonnière. Rosanette pencha le visage. Frédéric, qui la voyait de profil, s'aperçut qu'elle pleurait. « Tiens, qu'as-tu donc ?» dit Arnoux. Elle haussa les épaules sans répondre. « Est-ce à cause de lui ? » reprit-il. Elle étendit les bras autour de son cou et le baisant au front, lentement. « Tu sais bien que je t'aimerai toujours, mon gros. N'y pensons plus. Allons souper. » Un lustre de cuivre à 40 bougies éclairait la salle, dont les murailles disparaissaient sous de vieilles faïences accrochées, et cette lumière crue, tombant d'aplomb, rendait plus blanc encore, parmi les hors-d'œuvre et les fruits, un gigantesque turbo occupant le milieu de la nappe, bordé par des assiettes pleines de potage à la bisque. Avec un froufrou d'étoffe, les femmes, tassant leurs jupes, leurs manches et leurs écharpes, s'assirent les unes près des autres, les hommes debout s'établirent dans les angles. Pellerin et M. Oudry furent placés près de Rosanette. Arnoux était en face. Palazzo et son ami venaient de partir. « Bon voyage » dit-elle. « Attaquons !» Et l'enfant de cœur, homme facétieux, en faisant un grand signe de croix, commença le bénédicité. Les dames furent scandalisées, principalement la Poissarde, mère d'une fille dont elle voulait faire une femme honnête. Arnoux non plus n'aimait pas ça, trouvant qu'on devait respecter la religion. Une horloge allemande, munie d'un coq carillonnant 2 heures, provoqua, sur le coucou, force plaisanterie. Toutes sortes de propos s'ensuivirent, calembours, anecdotes, vantardises, gageurs, mensonges tenus pour vrais, assertions improbables, un tumulte de paroles qui bientôt s'éparpilla en conversations particulières. Les vins circulaient, les plats se succédaient, le docteur découpait. On se lançait de loin une orange, un bouchon, on quittait sa place pour causer avec quelqu'un. Souvent, Rosanette se tournait vers Delmar, immobile derrière elle. Pellerin bavardait, M. Oudry souriait. Mademoiselle Vatenaz mangea presque à elle seule le buisson d'écrevisses et les carapaces sonnaient sous ses longues dents. L'ange, posé sur le tabouret du piano, seul endroit où ses ailes lui permissent de s'asseoir, mastiquait placidement, sans discontinuer. « Quelle fourchette !» répétait l'enfant, le cœur ébahi. « Quelle fourchette !» Et la sphinx buvait de l'eau de vie, criait à plein gosier, se démenait comme un démon. Tout à coup, ses joues s'enflèrent, et ne résistant plus au sang qui l'étouffait, elle porta sa serviette contre ses lèvres, puis la jeta sous la table. Frédéric l'avait vue. « Ce n'est rien !» Et à ses instances, pour partir et se soigner, elle répondit lentement. « Bah, à quoi bon ? Autant ça qu'autre chose, la vie n'est pas si drôle !» Alors il frissonna, pris d'une tristesse glaciale, comme s'il avait aperçu des mondes entiers de misère et de désespoir, un réchaud de charbon près d'un lit de sang et des cadavres de la morgue en tablier de cuir avec le robinet d'eau froide qui coule sur leurs cheveux. Cependant, il sonnait, accroupi au pied de la femme sauvage, braillait d'une voix enrouée pour imiter l'acteur Grasso. « Ne sois pas cruel, ô Céluta ! Cette petite fête de famille est charmante ! Enivrez-moi de volupté, mes amours, folichonnons, folichonnons !» Et se mit à baiser les femmes sur l'épaule. Elle tressaillait, piquée par ses moustaches, puis il imagina de casser contre sa tête une assiette en la heurtant d'un petit coup. D'autres l'imitèrent, les morceaux de faïence volaient comme des ardoises par un grand vent, et la débardeuse s'écria. « Ne vous gênez pas, ça ne coûte rien. Le bourgeois qui en fabrique nous en cadote !» Tous les yeux se portèrent sur Arnoux. Il répliqua. « Ah, sur facture, permettez !» tenant sans doute à passer pour n'être pas ou n'être plus l'amant de Rosanette. Mais deux voix furieuses s'élevèrent. « Imbécile ! Polisson ! À vos ordres ! Aux vôtres !» C'était le chevalier Moyen-Âge, le postillon russe, qui se disputait. Celui-ci, ayant soutenu que des armures dispensaient d'être braves, l'autre avait pris cela pour une injure. Il voulait se battre, tous s'interposaient, et le capitaine, au milieu du tumulte, tâchait de se faire entendre. « Messieurs, écoutez-moi, un mot. J'ai de l'expérience, messieurs. » Rosanette, ayant frappé avec son couteau sur un verre, finit par obtenir du silence et s'adressant au chevalier qui gardait son casque, puis au postillon coiffé d'un bonnet à long poil. « Retirez d'abord votre casserole, ça m'échauffe. Et vous, là-bas, votre tête de loup, voulez-vous bien m'obéir, saprelotte ? Regardez donc mes épaulettes, je suis votre maréchal. » Ils s'exécutèrent et tous applaudirent en criant. « Vive la maréchale ! Vive la maréchale !» Alors, elle prit sur le poêle une bouteille de vin de champagne et elle le versa de haut, dans les coupes qu'on lui tendait. Comme la table était trop large, les convives, les femmes surtout, se portèrent de son côté et en se dressant sur la pointe des pieds, sur les barreaux des chaises, ce qui forma pendant une minute un groupe pyramidal de coiffures, d'épaules nues, de bras tendus, de corps penchés, et de longs jets de vin rayonnaient dans tout cela, car le Pierrot et Arnoux, aux deux angles de la salle, lâchant chacun une bouteille, éclaboussaient les visages. Les petits oiseaux de la volière, dont on avait laissé la porte ouverte, envahirent la salle, tout effarouchée, voletant autour du lustre, se cognant contre les carreaux, contre les meubles, et quelques-uns, posés sur les têtes, faisaient au milieu des chevelures comme de larges fleurs. Les musiciens étaient partis. On tira le piano de l'antichambre dans le salon. La Vatnaz s'y mit et, accompagnée de l'enfant de chœur qui battait du tambour de basque, elle entama une contredanse avec furie, tapant des touches comme un cheval qui piaffe et se dandinant de la taille pour mieux marquer la mesure. La maréchale entraîna Frédéric, Hussonnet faisait la roue, la débardeuse se disloquait comme un clown, le Pierrot avait des façons d'orang-outan, la sauvagesse, les bras écartés, imitait l'oscillation d'une chaloupe. Enfin, tous, n'en pouvant plus, s'arrêtèrent et on ouvrit une fenêtre. Le grand jour entra avec la fraîcheur du matin. Il y eut une exclamation d'étonnement, puis un silence. Les flammes, jaunes, vacillaient, en faisant de temps à autre éclater leurs bordèches, des rubans, des fleurs et des perles, jonchaient le parquet, des taches de ponche et de sirop poissaient les consoles, les tentures étaient salies, les costumes fripés, poudreux, les nattes pendaient sur les épaules et le maquillage, coulant avec la sueur, découvrait des faces blêmes dont les paupières rouges clignotaient. La maréchale, fraîche comme au sortir d'un bain, avait les joues roses, les yeux brillants. Elle jeta au loin sa perruque et ses cheveux tombèrent autour d'elle comme une toison, ne laissant voir de tout son vêtement que sa culotte, ce qui produisit un effet à la fois comique et gentil. Le sphinx, dont les dents claquaient de fièvre, eut besoin d'un châle. Rosanette courut dans sa chambre pour le chercher et, comme l'hôte la suivait, elle lui ferma la porte au nez vivement. Le Turc observa, tout haut, qu'on n'avait pas vu sortir M. Oudry. Aucun ne releva cette malice tant on était fatigué. Puis, en attendant les voitures, on s'embobina dans les capelines et les manteaux. 7 heures sonnèrent, l'ange était toujours dans la salle, attablé devant une compote de beurre et de sardines, et la poissarde, près d'elle, fumait des cigarettes, tout en lui donnant des conseils sur l'existence. Enfin, les fiacres, étant survenus, les invités s'en allèrent. Hussonnet, employé dans une correspondance pour la province, devait lire avant son déjeuner 53 journaux. La sauvagesse avait une répétition à son théâtre, Pèlerin un modèle, l'enfant de cœur 3 rendez-vous. Mais l'ange, envahi par les premiers symptômes d'une indigestion, ne put se lever. Le baron, moyen âge, l'apporta jusqu'au fiacre. « Prends garde à ses ailes !» cria par la fenêtre la débardeuse. On était sur le palier quand Mademoiselle Vatnaz dit à Rosanette « Adieu, chère. C'était très bien ta soirée !» Puis, se penchant à son oreille, « Garde-le jusqu'à des temps meilleurs !» reprit la maréchale en tournant le dos, lentement. Arnoux et Frédéric s'en revinrent ensemble, comme ils étaient venus. Le marchand de faïence avait un air tellement sombre que son compagnon le crut indisposé. « Moi ? Pas du tout !» Il se mordait la moustache, fronçait les sourcils, et Frédéric lui demanda si ce n'était pas ses affaires qui le tourmentaient. « Nullement !» Puis tout à coup, « Vous le connaissiez, n'est-ce pas, le père Oudry ?» Et avec une expression de rancune, « Il est riche, le vieux gredin !» Ensuite, Arnoux parla d'une cuisson importante que l'on devait finir aujourd'hui à sa fabrique. Il voulait la voir. Le train partait dans 1 heure. « Il faut cependant que j'aille embrasser ma femme. »« Ah, sa femme !» pensa Frédéric. Puis il se coucha avec une douleur intolérable à l'occiput et il but une carafe d'eau pour calmer sa soif. Une autre soif lui était venue, celle des femmes, du luxe et de tout ce que comporte l'existence parisienne. Il se sentait quelque peu étourdi comme un homme qui descend d'un vaisseau et, dans l'hallucination du premier sommeil, il voyait passer et repasser continuellement les épaules de la poissarde, les reins de la débardeuse, les mollets de la polonaise, la chevelure de la sauvagesse. Puis de grands yeux noirs, qui n'étaient pas dans le bal, parurent et, légers comme des papillons, ardents comme des torches, ils allaient, venaient, vibraient, montaient dans la corniche, descendaient jusqu'à sa bouche. Frédéric s'acharnait à reconnaître ses yeux sans y parvenir, mais déjà le rêve l'avait pris. Il lui semblait qu'il était attelé près d'Arnaud, au timon d'un fiacre, et que la maréchale, à califourchon sur lui, l'éventrait avec ses éperons d'or.